Bonsoir à tous et bienvenue dans Memento Mori, dans une émission tout à fait intimiste, vu qu'on n'est que deux. Ouais, en couple, Memento Mori, couple. Ah, c'est tellement mignon. Je te préviens, c'est pas toi qui décides de la musique toute la journée. Voilà, donc Mounet n'est pas là, et il nous a prévenu il y a 10 minutes exactement. Donc on va improviser un petit couplet à deux. Je vous promets pas que ça va être super. Hein. Mais ça sera expérimental. Ben oui, tu vois. Et puis au moins les morceaux seront variés, tu vois. Parce que Mounet et moi, c'était moins varié quand même. Mais bon. Non, on pourrait faire une petite impro Arch Noise pendant une demi-heure. Méfie-toi de ce qui peut arriver. Je me suis méfié, mais un petit peu trop tard. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais ça, on va faire gentil. Et d'ailleurs, on va tout de suite écouter un truc un petit peu rock'n'roll, bien gras, bien stoner, avec. Ça devrait pas te déplaire. Avec les Strasbourgeois de Van Hammerstone. Et le morceau Prisoner, hein, issu de leur premier EP qui est sorti il y a 2 ans, autoproduit. Voilà, Van Hammerstone. Yeah, ça manque de Larsen. Un peu, c'est vrai. Mais c'est quand même bien cool. Et donc, je disais hors antenne que j'ai découvert ce groupe parce que le leader, c'est Stéphane Perger, un dessinateur de BD et illustrateur qui a un putain de bon niveau et que j'aime beaucoup, beaucoup. Et je savais pas du tout qu'il avait ce groupe de rock. Donc, très belle découverte. Pour un mec bien cool. Donc, à l'instant, c'était Van Hammerstone de Strasbourg. Le titre, c'était Prisoner et ça vient de leur premier EP qui s'appelle Girl on a Stone, on a Crow, on a World on Rings. Voilà. Super, c'est bien, pas du tout à rallonge, c'est cool. Ouais, mais et puis la pochette illustrait exactement ça, donc c'est rigolo. Voilà, voilà. Magnifique. Ouais. Alors, j'essaierais bien d'imiter David, mais je sens que je vais pas du tout y arriver, donc je vais pas le faire. Il y a beaucoup de gens à imiter ce soir en plus. Hein. Ça va être très compliqué. Non, on va s'écouter Dark Throne. C'est vrai. Parce que c'est le seul groupe de black metal où c'est pas du black metal. C'est vachement bien. C'est ça. Le nouveau Dark Throne, du coup, c'est ça. Oui. Voilà. Qui, enfin déjà l'album d'avant que m'a fait écouter David. Oui, mais ça fait un petit moment qu'ils sont plus du tout dans le black en fait. Pas du et, tout. Et qui explorent plein de trucs. Et puis là, ils ont mis un nouveau morceau que j'ai pas encore écouté, donc ce sera l'occasion. Qui fait 7 minutes. Ah, déjà, c'est solide. Et voilà, donc, ouais, donc ouais. Très très cool. Mais enfin des années-lumière de ce que pourrait être le black metal. Je sais pas, c'est sympa en fait. Enfin, j'aime bien en fait ce concept déjà qu'à la base Dark Throne, enfin je trouve les imageries autour c'est quand même vachement cool. C'est le mec qui est quand même plutôt fun, ce qui chante des notes de tous les pignoufs qui ça joue super trouille, le black metal, j'enterre mes fringues pendant 6 mois et je me mets du sang de bœuf sur la gueule avant de monter sur scène. Ils ont quand même un peu commencé comme ça aussi. Enfin, ils sont passés plus ou moins par là aussi, Dark Throne. Oui, mais ils ont grandi. Oui, c'est ça, exactement. Et ils sont pas morts, tu vois, du coup, ça aide. Parce que si tu veux, Abbat et compagnie, j'ai l'impression qu'ils ont à peu près le même âge et puis qu'ils ont toujours la même démarche. Ah oui. Après, ouais. Non, voilà, il n'y a aucun argument derrière. Non, mais disons qu'à Abbat, c'est rigolo encore, tu vois, parce qu'il y a un côté Playmobil déguisé, tu vois, qui est amusant. Oui, mais c'est eux qui sont pas au courant que c'est rigolo. En fait. Oui, c'est ça. Non, mais du coup, c'est d'autant plus amusant, en fait, mais qui est tout de suite moins rigolo quand c'est des nazis, tu vois. Par exemple. Donc, voilà. C'est les Playmobil nazis. Il y a deux positions. Tu baisses le bras, tu lèves le bras. C'est super facile. C'est très binaire, c'est black metal. Voilà, il est 20h09, on a fait une black sur les nazis, c'est cool. Ça commence bien. Du coup, on va s'écouter. En même temps, c'est toi, tu passes du black metal. Oui, c'est vrai. Ah, tu vois. Et donc, le morceau s'appelle The Hardship of the Scots. Et pareil, si j'ai oublié, je l'ai rajouté un peu à la fin. un peu Larsen. Oui, un petit peu, bah quand même, faut pas déconner. Ouais. Voilà. Ouais, c'était cool. Ah ouais, c'était Dark Throne à l'instant, ouais. Avec un morceau qui n'était pas black metal du tout. Non, mais non. Même s'il y a toujours ce même riff là, le riff Dark Thronien. Alors, Mounet n'est pas parmi nous, mais on a reçu ses morceaux, donc on va pouvoir vous en passer certains. Et puis, bah, ceux qu'on n'aime pas, on ne les passera pas. Hein. Voilà. Je pense qu'on va faire comme ça. Alors, Alors, je vais vous mettre un petit peu de 10 bits. Non, c'est très mal imité. Je crois qu'il n'y a pas assez de trucs caractéristiques. C'est vachement plus simple avec Philippe Manœuvre. Ou ceci dit, ce qu'on peut faire, c'est que Mounet aura la voix de Philippe Manœuvre ce soir. Eh ben voilà, ben, pourquoi pas. Enfin, bon, bref, vu que c'est moi qui présente, on va mettre un peu Philippe Manœuvre en pause et on va écouter deux trucs. Déjà, pour l'anecdote, j'ai retrouvé chez mes parents tout un carton de vieux disques que j'écoutais il y a 10 ans. Et puis. Il n'y a que du gore. Non, enfin, il y en a un petit peu, mais. Il y en a un demi-carton. Mais tu sais, quand on retrouve un carton d'il y a 10 ans, on dit ah ouais, il y avait ça et tout. Et du coup, j'ai commencé à réécouter des trucs. Et puis, il y a 10 ans, j'écoutais quand même des trucs cool, même s'il y avait des trucs moins cool. Et parmi ces trucs que je trouve toujours cool, il y a Probot. Probot, c'était le groupe de Dave Grohl qui a sorti un seul album et qui avait un concept assez cool de faire. De changer de chanteur à chaque morceau. En fait. Oui, mais il avait pris. Mais c'était un peu le groupe Superstar avec. Avec plein. Bon, après, il y avait Lemmy, enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Les morceaux avec les gros stars style Lemmy, c'est pas forcément les meilleurs. Et il y a notamment le morceau Silent Spring avec Kurt Brecht de DRI, qui est super cool. Et donc, on va s'écouter ça. Mais juste avant, on va écouter un petit morceau issu de la playlist de Mounet. C'est les excellents Horse Bastard. C'est des Anglais, si je dis pas de bêtises, qui jouent un grindcore power violence ultra rapide, sans aucun compromis. Et c'est bien limité Mounet, ça. Bah, non, mais en même temps. Il n'y a aucun compromis. Ultra bourros, même, voilà, exactement. Et le morceau que Mounet a choisi, c'est Catastrophic Sobriety. Donc, on va écouter ça. Et juste après, Probot. Michel Platinum, c'est un groupe. Alors, du coup, à l'instant, c'était Probot. Ouais. Avec un petit fade-out bien année 2000, quoi. Ouais, c'est ça, mais ça marche toujours bien. Enfin, du coup, je me suis réécouté le CD qui a tourné pas mal en boucle dans ma bagnole. Et puis, c'était cool. Peut-être un des trucs que je préfère de Dave Grohl, finalement. Hein, l'un dans l'autre. Et c'est pas Nirvana ou les Foo Fighters? Oh, Nirvana, c'est quand même bien, mais bon, voilà. Foo Fighters, par contre, on n'en parle pas. Je crois que c'est... Non. Et juste avant, c'était Horse Bastard, avec du coup un morceau issu du split avec Ape Unit, qui était sorti en 2017, et que c'est toujours aussi cool et ultra bourros, ça. Tout à fait ultra bourros. Ouais. On va s'écouter No Milk, avec la chanson Accident. Parce que, bon, quand même, moi j'ai niqué ma bagnole la semaine dernière, enfin il y a deux semaines, en allant jouer à un concert chez Narcisse. Voilà, mais c'est une anecdote un peu baronesse, tu vois, quand ils ont pris... Oui, bah, tu te la joues rockstar, mais ça a pété sa bagnole en retournée. Baronesse du crust. Parce que voilà, j'ai pris une petite averse de grêle sur la tronche, tout ça, mais peut-être que c'est un signe du destin. Parce que je me suis dit, tiens, on va écouter un podcast des grosses têtes. Mais... Eh ben la punition divine, ah, 10 minutes divine. Après, eh ben, voilà. Tu la sens venir terrible. Hein. Eh ben tiens, bien fait. Voiture épave et tout ça. Hein. Merci Laurent Ruquier, je ne te remercie pas du tout. Surtout que c'était nul en plus. Enfin bon, c'était pas ça la question. Du coup, et on a joué quand même. Tout de suite, l'extrait des grosses têtes pendant lequel, avec le bruit d'accident. C'est ça enregistré. Et tout de suite, un interview. Voilà, No Milk, qui est un vieux groupe de punk rock d'Épinal, dans les Vosges, qui a joué surtout fin 90, début 2000. C'était c'est là-dessus que ça a été bâti Diego Palavas, en fait, à l'époque. Et voilà, ils avaient sorti pas 3 albums, si je dis pas de bêtises. Plus un ou deux splits, un petit 45 tours. Et ouais, ce morceau-là est très cool, puis il s'appelle Accident, quoi, donc c'est plutôt cool. Et juste après, on va s'écouter Clowns, qui est un groupe australien qui avait mis la claque un peu à tout le monde avec leur album précédent, et qui en ont sorti un nouveau, qui est ultra mortel. Et c'est le genre de groupe de hardcore punk où tu headbang de gauche à droite, au lieu de faire de devant à derrière. C'est vrai, c'est très catchy, c'est mais... comme ça, ouais, un petit peu. Avec leurs tronches, ils ont vraiment les bonnes tronches d'Australiens, espèce de surfeur, mais surfeur moitié clochard, c'est très très performant. Et l'album est ultra mortel, voilà, il y a toujours des chœurs vachement cool dans tous les sens, bon gros truc hardcore punk, voilà, typiquement comme j'aime bien. sur ce petit Larsen de toute beauté du hardcore punk surf de Clowns, groupe australien absolument cool, mortel. Chaque fois que je réécoute cet album ou même celui d'avant, je me dis putain, mais c'est vraiment cool quoi. Voilà, j'aime beaucoup. Ça passe en tournée. Maintenant, ça a pris un peu d'ampleur en fait depuis la dernière tournée, le nouvel album et tout. Vous savez, plutôt dans les festoches un peu plus conséquents, mais voilà. La légende dit que c'est très très mortel en live. Ne le ratez pas si vous avez l'occasion. On n'y manquera pas, on n'y manquera pas. On va enchaîner avec du Minscore pour ton plus grand plaisir. Super. Ouais, il en fallait, il en fallait. Non, il a fallu que ça soit Mooney qui soit pas là, évidemment. Le groupe, c'est Ali Grindtor, un groupe de Zagreb en Croatie. Voilà, que j'ai découvert récemment. Le morceau, c'est un truc de 2019, issu de leur split avec un autre groupe de Minsk qui s'appelle Decomposers. C'est aussi un groupe croate. Et le titre te plaira vu que c'est Fuck Porn Grind. Ah, hey, voilà. Chanson engagée, voilà, tu vois. Chanson engagée, voilà, opinion, bam, le porn grind c'est nul. Et on enchaîne avec une autre chanson engagée. C'est un titre de Mooney, un groupe que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Michel Platinum. Jeu de mots. Et le morceau, c'est Proana Fuck Off. Voilà, donc je me suis dit que les deux allaient bien ensemble. Donc voilà. Alors, petite description, comme je ne connais pas, je vais lire ce qu'il y a marqué sur Internet. Donc, Michel Platinum, pays France, date 2008, genre rock, style hardcore. Voilà, je pense que tout est dit. On écoute Michel Platinum et juste avant, Ali Grindtor. Ah bah oui, ça allait, ça allait très rapide. Hey, genre rock, style hardcore, tu vois. Hashtag le rock, là non, dans toute sa splendeur. Je pensais pas que les deux morceaux allaient aller aussi bien ensemble. Comme quoi... Et aussi vite. Bah oui, mais quelle bonne surprise. Tout ça était bien sûr dédicacé à Mooney, qu'on salue si jamais il nous écoute. Hein. Voilà, voilà. Et on va tout de suite dédicacer autre chose à Mooney. Oh non, au secours. Bonsoir Arnaud. C'est Philippe. Je ne répondrai rien. Alors tout de suite, on s'en va en Allemagne voir Sick of Stupidity, un power trio de grindcore absolument excellent, avec qui on avait joué en Allemagne à un concert organisé par les non moins éloquents et déguisés en animaux de la forêt. Ah, j'ai un trou maintenant. Moi aussi. Philippe a un trou. Attack of the Mad X-Men. Exactement, ce groupe totalement déjanté allemand qui est déguisé en animaux de la forêt, Tyrell, qui organisait leur festival où le concept était de faire 15 groupes, 15 minutes par groupe, dans une soirée. Parfait. Avec un lancement d'un décompte au début de la soirée en vidéoprojecteur. Et au fur et à mesure du concert du groupe, le logo du groupe s'estompait et laissait place à un compte à rebours. Un concept tout à fait excellent que vous retrouverez dans Trax le 27 mai. Et ce soir-là, on a découvert Sick of Stupidity, une tuerie qui est très inspirée des groupes genre Margudar Grind et ce genre de choses. Ça tartine à la guitare, à la voix, c'est très très acéré. Et à la batterie, c'est tout à fait excellent. Et pour enchaîner avec Sick of Stupidity, on va parler de Venomous Concept, le groupe de la légende Shannon Bury. Véritable légende du grindcore depuis 1984 en Angleterre. Il a fondé Venomous Concept pour faire un groupe vachement moins bien que Napalm Death, mais qui marche quand même parce que c'est Shannon Bury. Et tout ça, ça passe... Pas tout ça. Venomous Concept, c'est compliqué de réfléchir et de faire flipper en même temps. Et vous pouvez retrouver Venomous Concept ou Ouch Festival, ce concept de festival de musique extrême, sur le plateau de Langres. Ouais, je crois. Voilà, dans ces eaux-là. Avec plein d'autres groupes, Black Bomba, etc., etc. On en reparlera un peu plus dans l'agenda concert. Ouais. Vite, Marcus, la musique. Vite, s'il vous plaît. Avant qu'ils reprennent. Et à l'instant, c'était Venomous Concept. Et juste avant, Sick of Stupidity. Eh ben, c'était bien cool quand même. Même Venomous Concept, que j'écoute pas trop. Par a priori, peut-être. Mais bon, ça après, marche. Hein. Oui, ça marche. Attends, tu dis moins bien. Il n'y a aucune originalité, mais oui, ça marche. Oui, c'est voilà. Sûr. Mais bon, tu dis moins bien que Napalm Death, les derniers, bon, faut les partir quand même. Hein. Non, les derniers, ouais, c'est un peu dur. Ouais. Bon, il y a des bons trucs, mais. D'ailleurs, en parlant de Napalm Death, vas-y, balance. Bah, c'est pas une balance vraiment, mais parce qu'en fait, il y a Baroness qui a annoncé une tournée là en Europe. Ouais. On en passera tout à l'heure. Hein, ouais. Et du coup, ils font une tournée avec Duncan Jones, et en fait, tout ça, c'est en ouverture de Volbeat. Ah ouf. Voilà, c'était exactement. On a eu la même réaction. Voilà. Et du coup, je me suis dit bon, Volbeat, il paraît que c'est de la merde, mais j'ai jamais trop écouté. Je vais aller. Toute objectivité. Voilà. Et donc, du coup, je me retrouve aller sur Deezer, machin. Je cherche Volbeat. Je vois un live. Je me dis, bon, tiens, c'est bien. Ça, on pourra voir ce que ça dit. Je prends un morceau au hasard. Tout. Et en fait, je tombe sur une grosse voix, mais terrible. Je me dis, ah ouais, ok, pourquoi pas. Et puis, en plein milieu, évidemment, il y a une voix claire dégueulasse. Je me dis, ah, bon, bah, tant pis. Voilà. Et à la fin, en fait, dans le live, le mec il dit « Ah, oh, thank you from Barnett, from Napalm Death ouais, !» Ah putain, en fait, la grosse voix, c'était juste Barnett, Napalm Death. Du voilà. Coup, on va pas écouter le reste. Et donc, en fait, je pense que tous les autres morceaux, c'est que la voix claire, et putain, ça doit être l'ultra enfer. Voilà. Ce qui est bien, c'est que ça permettra de rentrer très tôt à la maison. Et c'est bah, parfait. Tu verras ta place plus chère, c'est tout. Oui, c'est possible que ça soit mieux. Un bon 30-40 balles, ça va bien être fait. Ouais. Enfin, on va se faire un petit bloc crossover. Avec The Dead Walk, Là aussi, on retourne dans ces fameux CD du carton d'il y a 10 ans. Donc, The Dead Walk, un groupe que j'écoutais à l'époque, c'est un truc un peu mineur, c'est des Australiens, et puis je crois qu'ils ont sorti un album, un EP, avant de disparaître, et de donner rien, enfin voilà, c'est un truc un peu inconnu qui a disparu, mais qui se réécoute plutôt bien, donc mélange trash, hardcore, pas très original, mais assez efficace, on a envie de taper du pied, on a envie de mocher. On a envie de sortir un requin gonflable en plastique. Ouais, et de mettre un bandana, enfin ce genre de choses. Et juste après, on enchaîne avec Crippled Fox, autre groupe de crossover bien plus prestigieux pour le coup. Donc c'était un morceau choisi par Mooney encore, avec Trash Yourself. Et juste avant The Dead Walk, le morceau ce sera Mosh of the Undead. The ghoul can be killed by a shot in the head or a heavy blow to the skull. Officials are quoted as explaining that since the brain of a ghoul has been activated by the radiation, the plan is kill the brain and you kill the ghoul. Stand yourself down! Voilà, à l'instant, c'était Crippled Fox, et juste avant, The Dead Walk. Petit instant crossover de Memento Mori. Excellent. Ouais, très bien. Ça fait toujours... ça réveille, tu vois. Ouais. Voilà, c'était bien, bien comme ça. C'était bien. C'est moi. C'est toi. Il n'y en a que deux. C'est vrai. On va passer du punk rock français. Quelle ouais. surprise. Avec ouais mais des bons groupes de punk rock français. Ouais. C'est change rien pour toi. OK. Mais si. Donc du coup on va se en fait il y a un petit split 45 tours qui est sorti là entre The Attendance et Heavy Earth. Groupe nantais les deux là qui font un truc c'est tout à fait mortel. Et pour le coup The Attendance là fait deux morceaux en français. Alors que d'habitude ils étaient plutôt en anglais et du coup ils se prêtent à un exercice assez compliqué de faire un morceau en français avec des paroles que tu comprends, que tu écoutes et tout, c'est ouais. pas évident. C'est pas facile, mais je trouve qu'ils s'en sortent quand même pas trop mal. Ça veut dire que quand ils chantent en anglais, ils comprennent pas ce qu'ils disent. Non, mais tu oui, il y a une, dire, non, tu le comprends pas en écoutant distance, pour le coup. Ouais, ouais. Voilà. Tu peux jouer juste sur le côté musical du truc. Tout à fait, et puis le public est moins regardant. C'est sur ça. Le truc, hein, tout à fait. Voilà. Et juste après Heavy Hurt, donc Heavy Hurt. Oh, je sais pas, moi je connais Everybody pas. Everybody Hurt. Ah bah non, du coup, c'est pas pareil. Everybody Needs Somebody. Ouais. Non, c'était pas celle-là. Mais bon, ah, bref, de toute façon, on s'écarte du sujet. Heavy Hurt, groupe de petits jeunes. De petits jeunes. Enfin, de petits jeunes. Ça commence à faire pas mal d'années que c'est des petits jeunes quand même. Donc, ils sont peut-être un peu moins petits jeunes maintenant. Et voilà, toujours autant la classe, toujours aussi politisé, toujours aussi mortel en fait. Voilà, ça fait des concerts dans tous les sens de soutien. Enfin, c'est vraiment, vraiment très très sympa. Et eux, ils changent pas. Ils font toujours. Toujours un punk rock assez pop, finalement. Voilà. Arnaud fait la grimace. Un classique. Voilà, qui reste en anglais ce coup-ci. Pour le coup, ils n'ont pas fait la blague de faire les deux en français. Du coup, ils ont fait un petit split ensemble, les deux. Donc voilà. Du côté de The Attendance, ça sera L'État et ses manières. Et du côté de Heavy Earth, ça sera Clever Lies. Let's go. dans le cul, exactement. J'ai l'impression qu'il y avait un truc qui allait passer comme voilà. Donc, fallait quand même le dire en antenne. Vu qu'on parlait de punk rock pop. Oui, voilà. Bah, c'est pas la même chose. Enfin bon. À l'instant, c'était Heavy Heart. Voilà, toujours aussi ultra mortel. Enfin, moi, en fait, plus ça va, plus c'est pop. Ce qui est moins mon truc, quand même. Mais c'est. Non, c'est pas plus j'aime. Mais quand même, c'est tellement bien fait, ça chante tellement bien. J'adore ça. Puis ils sont tellement adorables et tout. Enfin, si on se mettait à faire de la pop à la NF, c'est le premier groupe que je ferais. Bon. Bon, en attendant, on fait du Mins et puis voilà. Mais c'est bien. Hein, c'est... Et juste avant, c'était The Attendants. Voilà, groupe de Nantes aussi, très très cool. Qui s'essaye à l'exercice du français avec quand même pas mal de réussite, je trouve. Alors, on va s'écouter un petit truc. On va trancher. Hein, voilà. Dans moins vif, pop. J'ai l'impression que c'est. Zéro pop, voilà. Noizem, c'est rien que le nom, bam. Donc, Noizem, groupe death, trash, grind, enfin, tous les genres qui vont vite mélanger dans un seul groupe. Mais c'est super bien joué et puis ça va super vite. Enfin, voilà. Le morceau, c'est Putrid Decadence et c'est issu de l'album Cease to Exist. Existe, oui, c'est ça, qui vient de sortir, là, c'est tout fraîchement sorti, production 2019, chez 20 Bucks Spin. Voilà, Noizem. Noizem, ouais, trash moderne, je dirais, avec une grosse influence death metal, qui fait que c'est ultra bien, ultra efficace. Donc, voilà. Non, c'est pas mal, hein. Ouais. Ah, c'est classique quand même, hein. Oui, pas déconner, mais... Oui, mais... Mais le riff était cool. Ouais, c'est... Puis, il faut écouter l'album en entier, c'est vraiment comme ça, tout du long, et c'est que du bonheur. Voilà. D'accord, eh ben, c'est très bien. Allez, 15 secondes. Est-ce qu'on traîne un petit peu pour faire le 9h pile? Oh, je sais pas. Ouais, tu dis qu'il faisant que je suis en train d'attendre. Bah oui, donc voilà. Il reste plus que 5 secondes. Voilà. Allez. Attends. Non, mais il faut quand même. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Concert! On commence tout de suite par l'avis du Kangoo. Ah non, c'est pas ça, c'est parce que je recherche une bagnole, rien à voir. Donc on commence par un concert à Nancy, à la MJC des Trois Maisons, avec Garo. C'est du gros, du raw punk, pardon, autant pour moi. C'est Bum Mix, hein, ce sludge noise de je sais pas où. Sinoc et Silence, noise rock de Nancy. C'est le seul truc que je connais, du coup je peux le dire. Ça se passe à la MJC des Trois Maisons le samedi 18 mai, c'est ce week-end si vous écoutez en direct. Il y a des sandwichs sur place. Ouais, voilà, très bonne info. Non mais... Tu rigoles, mais ça fait venir les gens, ça. Oui. Eh ben, écoute, on va parler d'un truc qui va faire venir des gens aussi. Ah. C'est les Ramoneurs de Menhir. Ah, il y a de la bière sur place. Il y a de la bonne bière sur place, au moins. C'est à défaut d'entendre de la bonne musique, tu boiras de la bonne bière. Ça se passe dimanche 19 mai à la brasserie du Roulier au Val d'Ajol. Meilleur endroit du monde. Au lieu-dit du Roulier. Ouais. Sur une belle scène toute neuve. Oh. Et un terrain tout neuf et tout. Ouais. Attention, c'est solide. Oh. Voilà, avec Outspoken en première partie. Ou Outspoken. Voilà, donc le dimanche 19 mai à la brasserie du Roulier. Ensuite, le 24 et 25 mai, il y a le Ouch Festival 2e édition. Dont on parlait tout à l'heure. Voilà, le sauvage de meubles arrêt du déficit édition aussi, un petit peu quand même. Hein. Après, c'est pris une gamelle terrible l'année dernière, voilà. Ouais, allez-y, si un festival comme ça pouvait remonter un peu la pente, ça serait quand même bien cool, parce que l'année dernière, c'était vraiment très très sympa. Un accueil assez fou, voilà, ça mériterait vraiment plus de survivre que des Eurocaines ou des trucs du genre. Avec donc au menu, Brugeria, Black Bomba, ou Black Bombay, comme disent les connaisseurs. David Pless, par exemple, qui n'aime pas Dub Sister, se dit Black Bombay. Lengche, vieux groupe de grindcore. C'est complètement du grind. Voilà. Plus grind que bien, mais. Voilà. Venomous Concept, dont on a passé un morceau tout à l'heure. Qui, finalement, c'était plutôt cool. C'est quand même des gros groupes, hein, finalement. C'est ça. C'est... Non, tant, on disait du mal aux antennes, mais en fait, il y a des. Non, c'est quand même assez solide. Ouais. C'est pas forcément des têtes d'affiche qui nous. Oui, qui nous plaisent. Qui nous tartinent, voilà, nous, en disant waouh, c'est incroyable, ça passe. Exactement. Comme l'an passé où ça a un peu mis calme tout le monde. Oui, là, c'était. C'était parfait, quoi. Oui, c'était parfait, et puis ils ont perdu 50 000 balles, quoi. Voilà. Comme quoi, les gens n'ont aucun goût. C'est ça. Agression, oui, tout simplement. Ça doit sûrement être du thrash metal. sans surprise. Death Rite, dont on avait déjà passé pas mal de morceaux ici, hein, parce que voilà, c'est très sympa. Sangré tout court. Je sais pas ce que c'est. Je connais Sangré. J'ai Sangré des Muertado, mais c'est pas les mêmes. Sangré tout court. Ça se trouve, c'est un truc qui tourne avec Brujeria, hein. Vu le consonance hispanique, peut-être, on ne sait pas. On va savoir. Géranium, ça, je pense. On peut dire qu'on connaît. Ah oui, ça, c'est très bien. C'est très, très solide. Allez voir Géranium. Et je pense que ça mettra une sacrée claque à pas mal de monde, ouais, même carrément. Ceux qui connaissent. Ouais, exactement. Les gens, ceux qui vont venir pour Venomous Concept, ils vont découvrir Géranium. Ils vont tous prendre dans la gueule. Ensuite, on a Ordure. Groupe sympa s'il en est. Meilleur groupe de l'affiche. Avec des personnes extrêmement sympas dedans. Voilà, non, puis même, c'est vraiment bien, Bordure. Oui, c'est. Voilà. J'aime beaucoup. Vous avez pu les voir à l'ANF l'année dernière. Oui, exactement. C'était excellent. Ouais. Peut-être l'anniversaire des Horse Nation aussi. C'était excellent aussi. Et oui, c'est vrai. Hein, tu vois. Je crois que j'étais en train de manger. Oh. Je suis vraiment un pignouf. Ouais, c'était vraiment trop bien en plus. Et avec ça, il y a 20 minutes de chaos aussi. Ah. Voilà, groupe de Dijon. Depuis les millions d'années. Ouais, anarcho-punk. Hein. Voilà, anarcho-punk de Dijon. Qui joue pas vraiment 20 minutes quand même, du coup ça casse un peu le concept. Mais c'est une blague récurrente, voilà, j'ai arrêté de la faire. Du coup, on va tout de suite écouter un morceau de 20 minutes de chaos et on continue à dire des dates juste après. Yeah! l'instant, c'était 20 minutes de chaos. C'est toujours l'agenda concert. Yeah. Bonne année. On continue avec un groupe un peu moins chaos dans l'idée. Parce que, bon, sur scène, c'est quand même un peu le gros merdier, hein. Disons-le clairement. Donc, il y a Marcel et son orchestre qui passent à la Souris Verte à Épinal. Il n'y a pas de date de marqué, c'est bien. Ah. Stéphane Déviance, vraiment, si tu nous regardes, ça ne va pas du tout. Bon, peut-être qu'il s'en fout de Marcel et son orchestre. Qu'il a... C'est peut-être ça. Peut-être que volontairement, il n'a pas mis la date pour que personne n'y aille, parce que c'est la musique de merde. Non mais voilà. Après c'est pas lui qui a fait l'affiche non plus. Hein. C'est ça. Non mais c'est juste. Ah c'est juste une date écrite comme ça. Voilà. Ah oui. Ok. Mais bon du coup voilà ça passe à la Souris Verte à Épinal. Allez voir sur le site. Oui, hein, on trouvera bien la date. Il y a la Oi qui passe dans les Vosges. Ah. Ça la vraie. Ah, la vraie. Seule. La. L'unique. hors contrôle bah, du coup qui passe. Bah évidemment. Je veux oser y croire. voilà, hors contrôle, donc il passe au bar Le Commerce à Mirecourt le samedi 25 mai avec Urban Spleen, c'est du street punk de Nancy. Et tout de suite, on écoute un morceau de Hors Contrôle. Ah non, ça va aller. le 7 et 8 juin, il y a le Festival des Tanneries à Dijon avec, attention, ça va être très long, avec Doc Flesh, c'est du punk anglais, Melmore, du punk braise français, du coup. Burning Lady qui refait des dates. C'est surprenant, ça faisait longtemps qu'ils n'en avaient pas fait. Donc ouais, du groupe punk rock de Lille, Zeppo, de l'éco-anarcho-punk de Suisse, Spanner, du reggae punk anglais, et Active Slaughter, de l'anarcho-punk anglais. Bah, j'ai jamais entendu parler. Le samedi, du coup, on a du théâtre avec les petites roulottes, enfin voilà, bref, du théâtre, quoi. Avec Los Fastidios, hein, la Oi, évidemment, Kionap, Cheeky Monkey, The Restarts, Social Experiment, et Midnight Rovers. Voilà, c'est quand même plutôt solide. Hein. Ouais, bah elle affiche, hein. Voilà, le tout aux tanneries, donc les 7 et 8 juin à Dijon. Voilà, ce qui est toujours très solide dans cette belle petite salle qu'ils ont refaite. Oui, très sympa. J'ai toujours pas allé depuis, mais bon. Et peut-être qu'il y a une nouvelle sono du coup maintenant, et qu'ils la crameront pas en mettant de la merde le soir. Voilà, et on va finir cet agenda concert avec le Itawak Fest. Ah, très belle date. C'est ça. Alors, Itawak qui vient de Kawati. Oui, à l'envers. Tu l'as découvert en direct oui. La fois dernière. Je me rappelle toute ma vie de ce moment magique. Et ben voilà. Genre, l'évidence, c'était... Ah, oh, mais en fait... Ah, mais putain. Voilà, donc du coup, le Kawati Fest, enfin le Itawak Fest à Strasbourg, là, cette année, c'est au Molodeuil. Donc ça aurait pu. Ah, ils auraient dû l'appeler le. Attention, le Yodolum Fest. Eh, hey, ça sonne pas mal le Yodolum. C'est pas si mal. Hein? Je vais leur proposer l'idée. Ouais, écoute. Tiens, voir. Donc avec Cult Leader, ou Cult Leader, Coil Guns, Atomic Trip, Worst Nation, Contvic, Tomb Sisters. Putain, ça a l'air vachement bien ce temps-là. Hey, j'aime beaucoup. Potence, c'est les Potences strasbourgeois. Enfin, strasbourgeois Besançon. C'est pas Potence de Nancy. Oui. Hawk, alors du coup, Hawk, c'est les Hawks strasbourgeois. C'est pas les Hawks suédois non plus. Ça commence à être très pénible ce nombre de groupes qui ont le truc. Voilà, Iron Bastards, c'est pas Motorhead, hein, c'est Iron Bastards. Non, je crois qu'ils font plus de reprises de Motorhead. Maintenant, ça fait 2-3. Oui, ouais, ils font des compos qui, c'est qui ressemblent à du Motorhead, c'est vrai. Voilà. Mais c'est quand même des vrais compos, ce qui est cool, tu vois. Oui. Non, les groupes de reprises, t'as vite fait le tour quand même. Okay. C'est bien que ça, c'est bon aussi. On en passera un jour. Ouais, on verra. Tu en passeras. Oui. ensuite, il y a When Icarus Falls, même. Wire Love, Aleska, Orbel, Icarus Last Dance. Mais je sais pas c'est qui cet Icarus, mais il a un succès fou. Hein. Sycomore, Jeanne, Abrelo Soros, Blind Torture Kill, Mental Distress et Into the Tide. Tout ça, ça se passe donc les 13, 14 et 15 juin à Molodeuil, à Strasbourg. Voilà, belle petite date. Hein. Ouais, toujours. Et puis, moi je sais pas, c'est la première fois que j'y vais. En fait, à chaque fois, ça... Un peu. Moi, alors, c'est vrai que je dis toujours, je suis jamais allé. Mais en fait, c'est tellement le nouveau DCT Fest que tu sais que ça va être cool, que c'est la même équipe et tout. Enfin, quasiment. Donc, voilà, ça fait du plaisir. Mais oui. Et donc, qu'est-ce qu'on va s'écouter juste après ça? Ah bon, on va s'écouter Baroness. Alors, qui m'inquiète beaucoup, hein, parce que moi, j'ai précommandé un album, ça m'a coûté 20€ de frais de port et tout, je sens vraiment comme un connard. T'es tellement une victime, en fait. Et putain, les deux premiers morceaux qu'ils ont sortis, tu te dis, putain, c'est pas très bien, au secours. Et là, ils en ont sorti un nouveau, et ça va mieux. Bon. Et du coup, on écoute le nouveau? Bah oui. On écoute les deux pourris. Voilà. On sait jamais. Histoire de ne défoncer pas 20€ de frais de port. Non, celui-là, il a l'air bien. Enfin, je le trouve pas trop mal, en tout cas. Même si ça vaut pas les anciens, mais bon, on verra bien quand même. Et juste après ça, on va s'écouter Maréchal. Nous, voilà. C'est pardon, ça. C'était... Moi, je l'avais fait la première fois qu'on voilà, l'avait passé, c'est... finalement. Si c'est une blague récurrente, je pense qu'ils y ont pensé. Mais, bon, tu vois... Voilà. Petite anecdote. Je pense qu'ils l'ont fait exprès, même, tu vois. Voilà. Donc, avec le morceau Armageddon. Voilà, mais bon, que dire de plus ça. Donc, voilà, on s'écoute tout de suite Baroness et Maréchal, juste après. Yeah. Et voilà, on parlait de Metallica. Mais de toute façon, on l'a vu comme ça continue, on va peut-être en passer un morceau, attention. Hein. Ouh, non. C'était Maréchal à l'instant. Oui, c'était Maréchal. Notre groupe. Voilà, avec le split qu'ils ont fait avec Vlar. Parce qu'ils ont fait une paire de dates ensemble. Voilà. Et donc, c'était le morceau Armageddon. Et juste avant, c'était Baroness. Voilà, du coup, j'ai même pas écouté, tu vois. Donc, je peux pas dire s'il était. Il a un peu easy listening, en fait. Ouais, ce qui est curieux pour du Baroness, qui a quand même commencé comme un truc un peu expérimental. Mais plus ça va, plus c'est basé sur le chant. Au lieu d'être basé sur des riffs de guitare et puis la branlette de manche terrible. Okay. Ce qui est un peu. Enfin, moi, je m'y retrouve un peu moins. Mais bon, après, voilà. Je sais pas. Après, pourquoi pas hein. Je sais que moi, l'album d'avant, au début, j'avais écouté, je faisais pas terrible. Et puis finalement, en le remettant deux, trois fois, j'ai vraiment trouvé des trucs cool. Bon, là, je sais pas. Je verrai bien. La dernière fois, c'est la surprise. Ouais, parce que là, c'est un double album. La dernière fois, ils ont fait un double album. T'auras un joli artwork. C'est au moins ça, on est sûr. Oui, c'est déjà ça. Il m'a coûté 60 balles. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on s'écoute, Arnaud ? Alors, un petit instant d'Olos. Avec, avec Lucifer, le nom ultra de Lost, avec le U, c'est un V en fait. Ah, True Evil. Exactement. Qui joue du death metal, death black. C'est signé chez l'excellent label Dark Descent. Et ça faisait 3-4 ans qu'ils n'avaient rien sorti. Et leur album précédent était vraiment mortel, en mode death metal très lent, très pesant. Et donc là, ils sortent un nouveau truc cette année. Et puis Dark Descent a teasé deux morceaux, dont on va s'en écouter un. Donc le morceau, c'est The Greater Curse. Et l'album, ce sera sur Sacrament, qui sort là, dans quelques semaines, quelques mois. Alors, pour info quand même, j'ai coupé l'intro qui fait quand même 1 minute 30 de lente montée en puissance de la guitare. Donc c'est le morceau qui ouvre l'album, donc j'imagine que sur l'album en entier, ça va être ultra mortel. Sur un seul morceau à la radio, 1 minute 30 de guitare qui augmente tout doucement. C'est peut-être un peu longuet, donc je vous épargne ça. Voilà, Lucifer, le moment d'Odos. We'll be right back. Dodo. Super Dodos. Mais c'était quand même ultra cool. C'était Lucifer avec leur prochain album Sacrament qui sort bientôt chez Dark Descent, le label qui sort que des trucs Dodos mais cool. C'est mon nouveau label préféré. Mais si, mais demande à Dave hein, si c'est pas oui, cool. Bah oui, bah oui, mais c'est un excellent argument, évidemment, j'adore ça. Bam, échec. Voilà. Oui. Vas-y, passe. Ah non, mais non, t'as plus de morceaux, t'es obligé de passer des trucs de Moulin. Ouais, je vais pas la faire en Philippe Manœuvre parce que je voulais faire de l'accent espagnol. Non. Essaye déjà de prononcer le mot en espagnol. Mais justement, ça va faire un peu Moulin, ça va être bien. J'aime bien ces passages-là, quand il le fait. Donc, on va s'écouter Reyerta, qui est un groupe qui fait réviser la géographie. Ouais. Parce que du coup, moi, en fait, j'ai pris des infos sur Bandcamp, parce qu'évidemment, moi, j'ai pas les infos. Et puis, je vois Bilbao. Ah, ok, Bilbao, Philippines. Je sais pas. Ah, putain, mais Bilbao, c'est pas du tout aux Philippines. Enfin, ou alors, j'ai vraiment loupé un truc, mais voilà. Et ça vient de Singapour aussi. En fait, c'est un groupe, voilà, je sais pas s'ils se voient des fois ou s'ils font tout à distance, j'en sais rien. Mais voilà, ce groupe donc, qui s'appelle Reyerta et qui. C'est le morceau Yo Soy Puta. Voilà. Ce sera suffisant. Je sais absolument pas à quoi ça ressemble, mais on verra bien. Metavix, c'est une espèce de groupe punk hardcore avec un peu 10 bits comme voilà, ça dans l'esprit, avec un son relatif. Et juste après, on va s'écouter Ouza la Touarabia. Non, on va savoir ce que ça veut dire. Et le morceau Separatistas. Ah, ça sonne plus anarcho-punk que 10 bits du coup. C'est ça, peut-être. On va savoir. De toute façon, c'est soit l'un soit l'autre. C'est ça. Je sais pas d'où ça vient, mais sûrement d'un pays hispanique. Hispanophone en tout cas. Tu n'as pas le temps de raconter une anecdote avec les morceaux de Moulin. Putain, c'est terrible. C'est... Bon, du coup, globalement, c'était grave, mais ouais, je ne m'étais pas super planté non plus. Non, enfin, moi, ce n'était pas si anarcho-punk que prévu, mais c'était très bien, en tout cas. Belle découverte. Merci, Moulin. On enchaîne un peu dans le même mood avec Bandit ou Bandit, je ne sais pas trop comment on dit, vu que c'est des Américains. Qui sortent un album cette année et que j'ai découvert et que c'est ultra trop bien, Grindcore Power Violence, super rapide. C'est Cyril de Besançon qui m'a fait découvrir ça, donc je le salue. Merci pour cette découverte, c'est mon nouveau groupe préféré. On va écouter 4 morceaux à la suite, soit à la moitié de l'album, soit 1 minute 53 de musique. Voilà, l'album c'est Warsaw et ça sort cette année chez Cricket Cemetery. On enchaîne juste après avec Hazard, un autre groupe que j'écoutais il y a 10 ans et que j'ai plus trop réécouté, mais que c'était bien cool. Cette fois-ci, c'est Mathieu qui l'a choisi. C'est Nail Bomb, ce groupe formé par les mecs de Sepultura, si je dis pas de bêtises. Oui, bah avec Max Calavera dedans. Oui, voilà, c'est et ça. Et par contre, je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre dedans. Enfin bon, il y a du Sepultura et je crois qu'il y a d'autres stars, d'autres groupes. Peut-être des mecs de genre Fear Factory, des trucs comme ça. Peut-être. Et il me semble qu'il y a même le mec de Gojira, un des gratteux, qui a été faire de la base dedans pour remplacer sur une tournée, je sais pas quoi. Ok, bon bah voilà. Donc Nail Bomb, qui à ma connaissance n'avait sorti qu'un seul album il y a bien 10-20 ans de ça, c'était Point Blank. Et ça jouait un peu comme les premiers Sepultura, du trash ultra politisé, méga efficace. Et c'était vachement, vachement bien. Et on va écouter le morceau Wasting Away de Nail Bomb juste après Bandy. Yeah. On est toujours sur Memento Mori, on vient d'écouter les excellents Nightbomb. On a un peu dit des bêtises parce qu'il n'y avait pas le mec de Gojira dedans. Ouais, il a jamais. C'est dans Calavera Conspiration. Ouais, c'est ça, un petit mélange. Bon, dans Nightbomb, il y a quand même les deux frères Cavalera, Dino Cazares, donc de Fear Factory, et Brureria, qui jouent au Ouch, comme quoi tout se recoupe. Et Alex Newport de Fudge Tunnel, que je ne connais pas, qui a fondé le groupe Soda de 94, tout ça. Et c'est toujours aussi bien. Ça ne nous rajeunit pas. Hein. Ouais, c'est ça. Ça fait 24 ans. 25 putain. Voilà. Ça fait mal. Bon, je crois que tu voulais passer des trucs nuls maintenant. Ah oui, c'est le moment de passer un petit souvenir de concert de Metallica où il y avait Ghost en première partie. Ouais, je ne dis rien, je ne dis rien. J'ai regardé sur la première émission de Memento Mori, c'est David qui voulait passer Ghost. Ah oui, il s'est dégonflé au dernier ça moment. Ça dit quelque chose, ça. Vous en parlez souvent en fait. Oui. Voilà. Et voilà. Et du coup, bah, donc moi. Oh, dédicace à David du coup. Oh, David. David, si tu nous écoutes, il y a peu de chance parce que tu t'en tapes dans la radio. Ouais, mais ce morceau est pour toi. donc voilà, Ghost, groupe suédois. Mené par un connard apparemment. Hein, c'est, oui bah, qui, bah donc globalement quand t'as les anciens membres de ton groupe qui te collent un procès devant la justice et tout, c'est quand même que tu fais un move de connard. Ouais, hein, non, voilà, ouais. c'est pas du hasard. Mais putain qu'est-ce que c'est cool. Enfin, en tout cas, il y a des avis divisés dans la pièce. Ouais, je vous le cache pas. Moi je trouve ça très cool. Il y a des moments. Le même en disque. Ouais. Il y a des moments c'est too much. Le morceau là, il y a des passages, mais c'est beaucoup, cheesy, beaucoup trop. Mais ça joue tellement bien, le son, ça groove à fond. Enfin, c'est vraiment pas mal. Et notamment en live là, je trouvais, voilà. Moi, j'aime bien quand ça chante bien. Et là, il y avait un mec qui faisait quasiment toute la deuxième voix tout le temps. Donc, il jouait à la perfection, c'était cool. Plus une meuf qui faisait du clavier et des espèces de tambourins et puis des chœurs et ça jouait très très bien. Voilà. Visuellement, je trouvais ça vraiment mortel. Donc voilà. Et du coup, on va s'écouter le morceau Rats, qui est issu de leur dernier album, avec des passages too much terribles. Voilà, mais après, on survit. Enfin, peut-être qu'Arnaud ne survivra pas. On non, verra. Mais j'ai des trucs pour après, pour laver les oreilles un peu. Yes. Ouh. Ah, c'était bien. Non. C'est un style. C'est, moi, je trouvais ça. Voilà. C'est tellement too much. Oui, non, mais je comprends. Je pense que j'arrive à comprendre ce qui te plaît. Mais non. Il y a des morceaux que j'aime. Même sur l'album-là, il y a des trucs, tu dis, waouh, too much quand même. Alors, c'est pour te dire. Oui, imagine oui, un non, peu. Non, non, non. Si je te donnais ces morceaux-là, écoutez. Ouh là là là. Parce que ça, c'est des morceaux bien de l'album. Alors, imagine les morceaux qui. Ce serait vraiment pas gentil de ta part. Bah, t'en as un sous la main, Marcus ? Non, peut-être non, une lecture non, automatique non. Vite, Mounet, viens à mon secours. Avec. Alors, bonsoir. Gaewoon fucking Ragan. Tout de suite, on sent que ça va moins rigoler. Donc, morceau de Mathieu. Hein. Donc, je connais pas, donc on va faire comme tout à l'heure. Date 2016. Pays, Pays-Bas. Genre rock, style hardcore, grindcore. Voilà qui me plaît. Surprenant. Ouais, il a fait une playlist très grindcore, je trouve, cette fois-ci. Surprenant, hein. Donc, non, c'est très, très, très bien. Merci. Donc, on va écouter le morceau More Hardcore. More Hardcore. Et ça va être très bien après Ghost. Voilà. Et bisous à ma collègue de travail qui nous écoute en ce moment ah même. Ah ouais, et qui, du coup, c'est. Qui se retrouve un peu dans cette même ambiance que je fais au travail. entre des morceaux qu'elle aime bien, en fait, genre Ghost, par exemple. Elle vit. Et des autres trucs plus compliqués. Elle vit une émission de Memento Mori au quotidien. C'est ça. C'est elle que je torture avec Igor, d'ailleurs. Ah. Voilà. Enfin, une de celles que je torture avec Igor. Très bien, très bien. Et après, on va enchaîner avec Space Bang. Yo, ma Space. Ah non, c'est pas. Non, mais. Y a rien à voir avec Tom Jones. Rien à voir. C'est un groupe australien aussi, cependant. Je crois le troisième ou quatrième de la soirée. Coïncidence. Qui joue un mélange de doom et de crust. Hein. Si jamais ça te fait penser à un autre groupe, n'hésite pas à me le dire. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Donc, qui a splitté il y a quelques années, c'était une espèce de collectif formé par 8 mecs qui jouaient ça. Et on va revenir au tout début du groupe en 2007 avec le morceau Death Stars, issu de leur premier EP, The Passion of the Crust. Ouais, tu vois, donc c'était autoproduit. Voilà, Gaewoon fucking Ragan et ensuite Space Bang. Let's go! Yeah. C'était bien, c'est des espèces de petits coups de tome à la fin. Ouais, là, moi je trouve ça cool. Ah, ça repart pas du tout. Et non, mais c'est bon, il joue vraiment le mélange. Mais bon, j'ai choisi le morceau là exprès parce qu'il y a vraiment intro crust, après et puis à la fin. Ah, c'est très, très bien écrit. Ouais. Là, j'imagine par exemple que ma collègue qui est en train d'écouter là, mais elle doit se dire ah oui, c'était tout à mais fait c'est ça. C'est tout à fait ça. Je suis désolé. Bon, on se fait un petit blind test ou je ne sais pas. Vu qu'on va passer deux morceaux dont on ne connaît rien du tout, vu que c'est Moulet qui ni est le style, ni ouais, origine, on n'a pas rien. Eu le temps de vérifier. Bon, vu les noms, sont des indices quand même. Vu qu'on va écouter Freak Nation, le morceau c'est Hemos Perdido. Donc, moi je dis 10 bits. Et ensuite, Active Slaughter avec le morceau Sadistic Scientist. Ah, moi je dirais. C'est Grindcore, j'aurais dit. Ah, quoi. Mais Sadistic, je dirais qu'il y a un peu de trash dedans. Ah ouais, mais j'ai pensé aussi. Mais c'est un petit côté Municipal West avec Sadistic. Ouais, Magician, tu te laisses influencer. C'est ça. Voilà, Freak Nation et Active Slaughter. Et on va découvrir en même temps que vous, chers auditeurs. Yeah. Et ben voilà, avec une bonne pêche pas carrée à la fin, ouais. Ça c'est tout à fait Mounet, c'est parfait. Bon, alors, si vous nous écoutez encore et que vous êtes que vous avez bien suivi, vous avez vu qu'on s'est complètement planté dans nos pronostics. Ouais, mais que très c'est déçu. Quand même cool. Après, donc, on aurait dû prendre en compte la petite dominance de Mounet à dire juste du groupe punk rock. Voilà. Voilà, donc c'était Freak Nation et Active Slaughter à l'instant. On enchaîne avec Birdflesh, ce vieux groupe de grindcore suédois qui sort un tout nouvel album cette année. Premier album depuis 11 ans quand même d'inactivité, ou en tout cas de petits EP par-ci par-là. Voilà, ça va sortir le 28 juin et on va pas du tout écouter ça vu qu'on revient à leur tout début et leur excellentissime premier album Night of the Ultimate Mosh, qui était un groupe de grind très suédois, très carré, pas du tout dans le côté délire qu'ils ont un peu, enfin l'image délire avec leur déguisement et leur logo qu'ils ont maintenant. Donc voilà, donc on va écouter le morceau titre de cet album là, Night of the Ultimate Mosh de Birdflesh. Et juste après, on s'écoute un truc qui n'a rien à voir avec le grindcore suédois, on s'écoute Decibel, qui est un groupe de punk rock de Lyon, qui a sorti un album très récemment, qu'on va pas écouter parce qu'il est nul. Bah oui, et du coup, on va écouter un, voilà, c'était un petit maxi qu'elles avaient sorti, parce qu'à l'époque, c'était que des meufs. Voilà, il s'appelle Banquette arrière. Voilà, très sympa. on est parfaitement dans les temps pour vous dire au revoir et merci. C'est magnifique. Ainsi s'achève la 43e de Memento Mori, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas si tu dis bêtises, mais si tu les dis, tu les dis si bien. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Voilà, en petit duo, c'est mignon, ça fait plaisir. Ouais. On se retrouve dans 4 semaines. On n'a pas calculé la date. Mais bon, voilà. Vous annoncera ça. Autogérez-vous Facebook, comme d'habitude. Voilà, ce sera une spéciale ANF avec que des morceaux de groupes qui passeront à l'ANF. Voilà. Ça va être super. Ouais, je finirai peut-être l'affiche le jour même. T'as un truc à faire avant, putain de merde. Allez, maintenant c'est trop tard, on se dit au revoir, des bisous. Bisous Marie, bisous Paul. Salut à tous, bonne soirée. Salut. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh